Copperfield, livre 2, chapitre 25, La tempête. J'arrive maintenant à un événement qui a laissé dans mon âme des traces terribles et ineffaçables. À un événement tellement uni à tout ce qui précède cette partie de ma vie, que depuis les premières pages de mon récit, il a toujours grandi à mes yeux comme une tour gigantesque, isolée dans la plaine, projetant son ombre sur les incidents qui ont marqué même les jours de mon enfance. Pendant les années qui suivirent cet événement, j'en rêvais sans cesse. L'impression en avait été si profonde que durant le calme des nuits, dans ma chambre paisible, j'entendais encore mugir le tonnerre de sa furie redoutable. Aujourd'hui même, il m'arrive de revoir cette scène dans mes rêves, bien qu'à de plus rares intervalles. Elle s'associe dans mon esprit au bruit du vent pendant l'orage, au nom seul du rivage de l'océan. Je vais essayer de la raconter telle que je la vois de mes yeux, car ce n'est pas un souvenir, c'est une réalité présente. Le moment approchait où le navire des émigrants allait mettre à la voile. Ma chère vieille bonne vint à Londres. Son cœur se brisa de douleur à notre première entrevue. J'étais constamment avec elle, son frère et les Micawber, qui ne les quittaient guère, mais je ne revis plus Emily. Un soir, j'étais seule avec Peggotty et son frère. Nous en vîmes à parler de Ham. Elle nous raconta avec quelle tendresse il l'avait quittée, toujours calme et courageux. Il ne l'était jamais plus, disait-elle, que quand elle le croyait le plus abattu par le chagrin. L'excellente femme ne se lassait jamais de parler de lui, et nous mettions à entendre ses récits le même intérêt qu'elle mettait à nous les faire. Nous avions renoncé, ma tante et moi, à nos deux petites maisons de Highgate, moi pour voyager et elle pour retourner habiter sa maison de Douvres. Nous avions pris en attendant un appartement dans Covent Garden. Je rentrais chez moi ce soir-là, réfléchissant à ce qui s'était passé entre Ham et moi lors de ma dernière visite à Yarmouth, et je me demandais si je ne ferais pas mieux d'écrire tout de suite à Emily, au lieu de remettre une lettre pour elle à son oncle au moment où je dirais adieu à ce pauvre homme sur le Tillac, comme j'en avais d'abord formé le projet. Peut-être voudrait-elle, après avoir lu ma lettre, envoyer par moi quelques messages d'adieu à celui qui l'aimait tant. Mieux valait lui en faciliter l'occasion. Avant de me coucher, je lui écrivis. Je lui dis que j'avais vu Ham et qu'il m'avait prié de lui dire ce que j'ai déjà raconté plus haut. Je le répétais fidèlement, sans rien ajouter. Lors même que j'en aurais eu le droit, je n'avais nul besoin de rien dire de plus. Ni moi, ni personne, nous n'aurions pu rendre plus touchantes ces paroles simples et vraies. J'ai donné l'ordre de porter cette lettre le lendemain matin, en y ajoutant seulement pour M. Peggotty la prière de la remettre à Emily. Je ne me couchais qu'à la pointe du jour. J'étais alors plus épuisée que je ne le croyais. Je ne m'endormis que lorsque le ciel paraissait déjà à l'horizon, et la fatigue me tint au lit assez tard le lendemain. Je fus réveillée par la présence de ma tante à mon chevet, quoiqu'elle eût gardé le silence. Je sentis dans mon sommeil qu'elle était là, comme cela nous arrive quelquefois. « Trot, mon ami, » dit-elle, en me voyant ouvrir les yeux, « je ne pouvais pas me décider à vous réveiller. Monsieur Peggotty est ici. Faut-il le faire monter ?» Je répondis que oui. Il parut bientôt. « Maître Davy, » dit-il quand il m'eut donné une poignée de main, « j'ai remis à Emily votre lettre, et voici le billet qu'elle a écrit après l'avoir lu. Elle vous prie d'en prendre connaissance, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'être assez bon pour vous en charger. « L'avez-vous lu ?» lui dis-je. Il hocha tristement la tête. Je l'ouvris, et je lus ce qui suit. J'ai reçu votre message. Oh, que pourrais-je vous dire pour vous remercier de tant de bonté et d'intérêt? J'ai serré votre lettre contre mon cœur. Elle y restera jusqu'au jour de ma mort. Ce sont des épines bien aiguës, mais elles me font du bien. J'ai prié par là-dessus. Ah oui, j'ai bien prié. Quand je songe à ce que vous êtes et à ce qu'est mon oncle, je comprends ce que Dieu doit être et je me sens le courage de crier vers lui. Adieu pour toujours, mon ami. Adieu pour toujours dans ce monde. Dans un autre monde, si j'obtiens mon pardon, peut-être me retrouverai-je enfant et pourrai-je venir alors vous retrouver. Merci et que Dieu vous bénisse. Adieu. Adieu pour toujours. Voilà tout ce qu'il y avait dans sa lettre, avec la trace de ses larmes. Puis-je lui dire que vous n'y voyez pas d'inconvénient, maître Davy, et que vous serez assez bon pour vous en charger ? Me demanda M. Peggotty quand j'eus fini ma lecture. Certainement, lui dis-je, mais je réfléchissais. Oui, maître Davy ? J'ai envie de me rendre à Yarmouth. J'ai plus de temps qu'il ne m'en faut pour aller et venir avant le départ du bâtiment. Il ne me sort pas de l'esprit, lui et sa solitude. Si je puis lui remettre la lettre d'Émilie et vous charger de dire à votre nièce, à l'heure du départ, qu'il l'a reçue, cela leur fera du bien à tous deux. J'ai accepté solennellement la commission dont il me chargeait, l'excellent homme. Je ne saurais m'en acquitter trop complètement. Le voyage n'est rien pour moi. J'ai besoin de mouvement, cela me calmera. Je partirai ce soir. Il essaya de me dissuader, mais je vis qu'il était au fond de mon avis, et cela m'aurait confirmé dans mon intention si j'en avais eu besoin. Il alla au bureau de la diligence sur ma demande et prit pour moi une place d'impérial. Je partis le soir par cette même route que j'avais traversée jadis au milieu de tant de vicissitudes diverses. « Le ciel ne vous paraît-il pas bien étrange ce soir ?» dis-je au cocher à notre premier relais. « Je ne me souviens pas d'en avoir jamais vu de pareil. »« Ni moi non plus. Je n'ai même jamais rien vu d'approchant, » répondit-il. « C'est du vent, monsieur. Il y aura des malheurs en mer, j'en ai peur, avant longtemps. » C'était une confusion de nuages sombres et rapides, traversés çà et là par des bandes d'une couleur comme celle de la fumée qui s'échappe du bois mouillé. Ces nuages s'entassaient en masses énormes, à des profondeurs telles que les plus profonds abîmes de la terre n'en auraient pu donner l'idée, et la lune semblait s'y plonger tête baissée, comme si dans son épouvante de voir un si grand désordre dans les lois de la nature, elle eût perdu sa route à travers le ciel. Le vent, qui avait soufflé avec violence tout le jour, recommençait avec un bruit formidable. Le ciel se chargeait toujours de plus en plus. Mais à mesure que la nuit avançait et que les nuages précipitaient leur course, noirs et serrés, sur toute la surface du ciel, le vent redoublait de fureur. Il était tellement violent que les chevaux pouvaient à peine faire un pas. Plusieurs fois, au milieu de l'obscurité de la nuit, nous étions à la fin de septembre et les nuits étaient déjà longues. Le conducteur s'arrêta, sérieusement inquiet pour la sûreté de ses passagers. Des ondées rapides se succédaient, tombant comme des lames d'acier. Et nous étions bien aises de nous arrêter chaque fois que nous trouvions quelque mur ou quelque arbre pour nous abriter, car il devenait impossible de continuer à lutter contre l'orage. Au point du jour, le vent redoubla encore de fureur. J'avais vu à Yarmouth des coups de vent que les marins appelaient des canonnades, mais jamais je n'avais rien vu de pareil, rien même qui y ressemblât. Nous arrivâmes très tard à Norwich, disputant à la tempête chaque pouce de terrain, à partir de 4 lieues de Londres, et nous trouvâmes sur la place du marché une quantité de personnes qui s'étaient levées au milieu de la nuit et au bruit de la chute des cheminées. On nous dit, pendant que nous changions de chevaux, que de grandes feuilles de tôle avaient été enlevées de la tour de l'église et lancées par le vent dans une rue voisine, qu'elles barraient absolument. D'autres racontaient que des paysans venus des villages d'alentour avaient vu de grands arbres déracinés dont les branches éparses jonchaient les routes et les champs. Et cependant, loin de s'apaiser, L'orage redoublait toujours de violence. Nous avançâmes péniblement. Nous approchions de la mer qui nous envoyait ce vent redoutable. Nous n'étions pas encore en vue de l'océan que déjà des flots d'écume venaient nous inonder d'une pluie salée. L'eau montait toujours, couvrant jusqu'à plusieurs milles de distance le pays plat qui avoisinait Armous. Tous les petits ruisseaux devenus des torrents se répandaient au loin. Lorsque nous aperçûmes la mer, les vagues se dressaient à l'horizon de l'abîme en furie, comme des tours et des édifices sur un rivage éloigné. Quand enfin nous entrâmes dans la ville, tous les habitants sur le seuil de la porte venaient d'un air inquiet, les cheveux au vent, voir passer la malle-poste qui avait eu le courage de voyager pendant ces terribles nuits. Je descendis à la vieille auberge, puis je me dirigeai vers la mer, en trébuchant le long de la rue, couverte de sable et d'herbes marines, encore tout inondée d'écume blanchâtre. À chaque pas, j'avais à éviter de recevoir une tuile sur la tête ou à m'accrocher à quelques passants au détour des rues pour n'être pas entraîné par le vent. En approchant du rivage, je vis non seulement les marins, mais la moitié de la population de la ville réfugiée derrière des maisons. On bravait parfois la furie de l'orage pour contempler la mer, mais on se dépêchait de revenir à l'abri, comme on pouvait, en faisant mille zigzags pour couper le vent. J'allais me joindre à ces groupes. On y voyait des femmes en pleurs. Leurs maris étaient à la pêche du hareng ou des huîtres. Il n'y avait que trop de raisons de craindre que leurs barques n'eussent été coulées à fond avant qu'ils puissent chercher quelque part un refuge. De vieux marins secouaient la tête et se parlaient à l'oreille en regardant la mer, d'abord, puis le ciel. Des propriétaires de navires se montraient parmi eux, agités et inquiets. Des enfants, pêle-mêle, dans les groupes, cherchaient à lire dans les traits des vieux loups de mer. De vigoureux matelots, troublés et soucieux, se réfugiaient derrière un mur pour diriger vers l'océan leurs lunettes d'approche comme s'ils étaient en vedette devant l'ennemi. Lorsque je pus contempler la mer, en dépit du vent qui m'aveuglait, des pierres et du sable qui volaient de toutes parts et des formidables mugissements des flots, je fus tout confondu de ce spectacle. On voyait des murailles d'eau qui s'avançaient en roulant, puis s'écroulaient subitement de toute leur hauteur. On aurait dit qu'elles allaient engloutir la ville. Les vagues, en se retirant avec un bruit sourd, semblaient creuser sur la grève des caves profondes, comme pour miner le sol. Lorsqu'une lame blanche se brisait avec fracas avant d'atteindre le rivage, chaque fragment de ce tout redoutable, animé de la même furie, courait dans sa colère, formait un autre monstre pour un assaut nouveau. Les collines se transformaient en vallées, les vallées redevenaient des collines sur lesquelles s'abattait tout d'un coup quelque oiseau solitaire. L'eau bouillonnante venait bondir sur la grève, masse tumultueuse qui changeait sans cesse de forme et de place pour céder bientôt l'espace à des formes nouvelles. Le rivage idéal qui semblait se dresser à l'horizon montrait et cachait tour à tour ses clochers et ses édifices. Les nuages s'enfuyaient épais et rapides. On eût cru assister à un soulèvement, à un déchirement suprême de la nature entière. Je n'avais pas aperçu âme parmi les marins que ce vent mémorable, car on se le rappelle encore aujourd'hui, comme le plus terrible sinistre qui ait jamais désolé la côte, avait rassemblé sur le rivage. Je me rendis à sa chaumière. Elle était fermée. Je frappais en vain. Alors je gagnai par de petits chemins le chantier où il travaillait. J'appris là qu'il était parti pour le Westhoff, où on l'avait demandé pour un radeau pressé que lui seul pouvait faire, mais qu'il reviendrait le lendemain matin de bonne heure. Je retournai à l'hôtel, et après avoir fait ma toilette de nuit, j'essayai de dormir, mais en vain. Il était 5 heures de l'après-midi. Je n'étais pas depuis 5 minutes au coin du feu dans la salle à manger, quand le garçon entra sous prétexte de mettre tout en ordre, ce qui lui servait d'excuse pour causer. Il me dit que deux bateaux de charbon venaient de sombrer avec leur équipage à quelques milles de Yarmouth et qu'on avait vu d'autres navires bien en peine à la dérive qui s'efforçaient de s'éloigner du rivage, le danger étant imminent. Que Dieu ait pitié d'eux et de tous les pauvres matelots, dit-il. Que vont-ils devenir si nous avons encore une nuit comme la dernière ? J'étais bien abattue. Mon isolement et l'absence de âme me causaient un malaise insurmontable. J'étais sérieusement affectée, sans bien m'en rendre compte, par les derniers événements, et le vent violent auquel je venais de rester longtemps exposée avait troublé mes idées. Tout me semblait si confus que j'avais perdu le souvenir du temps et de la distance. Je n'aurais pas été surpris, je crois, de rencontrer dans les rues de Yarmouth quelqu'un que je savais devoir être à Londres. Il y avait sous ce rapport un vide bizarre dans mon esprit. Et pourtant, il ne restait pas oisif, mais il était absorbé dans les pensées tumultueuses que me suggérait naturellement ce lieu si plein pour moi de souvenirs distincts et vivants. Dans cet état, les tristes nouvelles que me donnait le garçon sur les navires en détresse s'associèrent sans aucun effort de ma volonté à mon anxiété au sujet de Ham. J'étais convaincue qu'il aurait voulu revenir de Lowestoft par mer et qu'il était perdu. Cette appréhension devint si forte que je résolus de retourner au chantier avant de me mettre à dîner et de demander au constructeur s'il croyait possible que Ham pût songer à revenir par mer. S'il me donnait la moindre raison de le croire, je partirais pour Lowestoft et je l'en empêcherais en le ramenant avec moi. Je commandai mon dîner et je me rendis au chantier. Il était temps. Le constructeur, une lanterne à la main, enfermait la porte. Il se mit à rire quand je lui posai cette question et me dit qu'il n'y avait rien à craindre. Jamais un homme dans son bon sens, ni même un fou, ne songerait à s'embarquer par un pareil coup de vent. Ham Peggotty moins que tout autre, lui qui était né dans le métier. Je m'en doutais d'avance, et pourtant je n'avais pu résister au besoin de faire cette question, quoique je fusse tout honteux en moi-même de la faire. J'avais repris le chemin de l'hôtel. Le vent semblait encore augmenter de violence, s'il est possible. Ses hurlements et le fracas des vagues, le claquement des portes et des fenêtres, le gémissement étouffé des cheminées, le balancement apparent de la maison qui m'abritait et le tumulte de la mer en furie, tout cela a été plus effrayant encore que le matin. La profonde obscurité venait ajouter à l'ouragan ses terreurs réelles et imaginaires. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me tenir tranquille, je ne pouvais me fixer à rien. Il y avait en moi quelque chose qui répondait à l'orage extérieur et bouleversait vaguement mes pensées orageuses. Mais au milieu de cette tempête de mon âme, qui s'élevait comme les vagues rougissantes, je retrouvais constamment en première ligne mon inquiétude sur le sort de Ham. On emporta mon dîner sans que j'y eusse pour ainsi dire touché, et j'essayais de me remonter avec un ou deux verres de vin. Tout était inutile. Je m'assoupis devant le feu sans perdre le sentiment ni du bruit extérieur, ni de l'endroit où j'étais. C'était une horreur indéfinissable qui me poursuivait dans mon sommeil. Et lorsque je me réveillais, ou plutôt lorsque je sortis de la léthargie qui me clouait sur ma chaise, je tremblais de tout mon corps, saisi d'une crainte inexplicable. Je marchais dans la chambre, j'essayais de lire un vieux journal, je prêtais l'oreille au bruit du vent, je regardais les formes bizarres que figurait la flamme du foyer. À la fin, le tic-tac monotone de la pendule contre la muraille m'agaça tellement les nerfs que je résolus d'aller me coucher. Je fus bien aise de savoir, par une nuit pareille, que quelques-uns des domestiques de l'hôtel étaient décidés à rester sur pied jusqu'au lendemain matin. Je me couchais horriblement las et la tête lourde. Mais à peine dans mon lit, ces sensations disparurent comme par enchantement et je restais parfaitement réveillée avec la plénitude de mes sens. Pendant des heures, j'écoutais le bruit du vent et de la mer. Tantôt, je croyais entendre des cris dans le lointain. Tantôt, c'était le canon d'alarme qu'on tirait. Tantôt, des maisons qui s'écroulaient dans la ville. Plusieurs fois, je me levais et je m'approchais de la fenêtre. Mais je n'apercevais à travers les vitres que la faible lueur de ma bougie et ma figure pâle et bouleversée qui s'y réfléchissait au milieu des ténèbres. À la fin, mon agitation devint telle que je me rhabillai en toute hâte et je redescendis. Dans la vaste cuisine où pendaient aux solives de longues rangées d'oignons et de tranches de lard, je vis les gens qui veillaient, groupés ensemble autour d'une table qu'on avait exprès enlevée de devant la grande cheminée pour la placer près de la porte. Une jolie servante qui se bouchait les oreilles avec son tablier, tout en tenant les yeux fixés sur la porte, se mit à crier quand elle m'aperçut, me prenant pour un esprit. Mais les autres eurent plus de courage et furent charmés que je vinsse leur tenir compagnie. L'un d'eux me demanda si je croyais que les âmes des pauvres matelots qui venaient de périr avec les bateaux du charbon n'auraient pas, en s'envolant, été éteintes par l'orage. Je restai là, je crois, 2 heures. Une fois, j'ouvris la porte de la cour et je regardai dans la rue solitaire. Le sable, les herbes marines et les flaques d'écume encombrèrent le passage en un moment. Je fus obligée de me faire aider pour parvenir à refermer la porte et la barricader contre le vent. Il y avait une sombre obscurité dans ma chambre solitaire quand je finis par y rentrer, mais j'étais fatiguée et je me recouchais. Bientôt, je tombai dans un profond sommeil, comme on tombe en songe du haut d'une tour au fond d'un précipice. J'ai le souvenir que pendant longtemps, j'entendais le vent dans mon sommeil, bien que mes rêves me transportassent en d'autres lieux et au milieu de scènes bien différentes. À la fin, cependant, tout sentiment de la réalité disparut et je me vis avec 2 de mes meilleurs amis, dont je ne sais pas le nom, au siège d'une ville qu'on canonnait à outrance. Le bruit du canon était si fort et si continu que je ne pouvais parvenir à entendre quelque chose que j'avais le plus grand désir de savoir. Enfin, je fis un dernier effort et je me réveillai. Il était grand jour, 8 ou 9 heures environ. C'était l'orage que j'entendais et non plus les batteries. On frappait à ma porte et on m'appelait. « Qu'y a-t-il ? » m'écriai-je. « Un navire qui s'échoue tout près d'ici. » Je sautai à bas de mon lit et je demandai quel navire c'était. « Un schooner qui vient d'Espagne ou de Portugal avec un chargement de fruits et de vin. Dépêchez-vous, monsieur, si vous voulez le voir. On dit qu'il va se briser à la côte au premier moment. » Le garçon redescendit l'escalier 4 à 4. Je m'habillai aussi vite que je pus et je m'élançai dans la rue. Le monde me précédait en foule. Tous couraient dans la même direction, vers la plage. J'en dépassais bientôt un grand nombre et j'arrivais en présence de la mer en furie. Le vent s'était plutôt un peu calmé, mais quel calme! C'était comme si une demi-douzaine de canons se fussent tus parmi les centaines de bouches à feu qui résonnaient à mon oreille pendant mon rêve. Quant à la mer, toujours plus agitée, elle avait une apparence bien plus formidable encore que la veille au soir. Elle semblait s'être gonflée de toutes parts. C'était quelque chose d'effrayant que de voir à quelle hauteur s'élevaient ces vagues immenses qui grimpaient les unes sur les autres pour rouler au rivage et s'y briser avec bruit. Au premier moment, le rugissement du vent et des flots, la foule et la confusion universelle, joints à la difficulté que j'éprouvais à résister à la tempête, troublèrent tellement mes sens que je ne vis nulle part le navire en danger. Je n'apercevais que le sommet des grandes vagues. Un matelot à demi nu, debout à côté de moi, me montra de son bras tatoué, où l'on voyait l'image d'une flèche, la pointe vers la main, le côté gauche de la plage. Mais alors, grand Dieu, je ne le vis que trop, ce malheureux navire, et tout près de nous. Un des mâts était brisé, assis sous 8 pieds du pont, et gisait étendu de côté au milieu d'une masse de voiles et de cordages. À mesure que le bateau était ballotté par le roulis et le tangage qui ne lui laissait pas un moment de repos, ses ruines embarrassantes battaient le flanc du bâtiment comme pour en crever la carcasse. On faisait même quelques efforts pour les couper tout à fait et les jeter à la mer, car lorsque le roulis nous ramenait en vue le tillac, je voyais clairement l'équipage à l'œuvre, la hache à la main. Il y en avait un, surtout, avec de longs cheveux bouclés, qui se distinguait des autres par son activité infatigable. Mais en ce moment, un grand cri s'éleva du rivage dominant le vent et la mer. Les vagues avaient balayé le pont, emportant avec elles dans l'abîme bouillonnant les hommes, les planches, les cordages, faibles jouets pour sa fureur. Le second mât restait encore debout, enveloppé de quelques débris de voiles et de cordes à demi détachés qui venaient le frapper en tous sens. Le vaisseau avait déjà touché à ce que me dit à l'oreille la voix rauque du marin. Il se releva, puis il toucha de nouveau. J'entendis bientôt la même voix m'annoncer que le bâtiment craquait par le travers et que ce n'était pas difficile à comprendre. On voyait bien que l'assaut livré au navire était trop violent pour que l'œuvre de la main des hommes pût y résister longtemps. Au moment où il me parlait, un autre cri, un long cri de pitié, partit du rivage, en voyant quatre hommes sortir de l'abîme avec le vaisseau naufragé, s'accrocher au tronçon du mât, encore debout, et au milieu d'eux, ce personnage aux cheveux frisés dont on avait admiré tout à l'heure l'énergie. Il y avait une cloche à bord, et tandis que le vaisseau se démenait comme une créature réduite à la folie par le désespoir, nous montrant tantôt toute l'étendue du pont dévasté qui regardait la grève, tantôt sa quille qui se retournait vers nous pour se replonger dans la mer, la cloche sonnait sans repos le glas funèbre de ces infortunés que le vent portait jusqu'à nous. Le navire s'abîma de nouveau dans les eaux, puis il reparut. Deux des hommes avaient été engloutis. L'angoisse des témoins de cette scène déchirante augmentait toujours. Les hommes gémissaient en joignant les mains. Les femmes criaient et détournaient la tête. On courait çà et là sur la plage en appelant du secours, là où tout secours était impossible. Moi-même, je conjurais un groupe de matelots que je connaissais de ne pas laisser ces deux victimes périr ainsi sous nos yeux. Ils me répondirent dans leur agitation, je ne sais comment dans un pareil moment je pus seulement les comprendre, qu'une heure auparavant on avait essayé, mais sans succès, de mettre à la mer le canot de sauvetage, et que comme personne n'aurait l'audace de se jeter à l'eau avec une corde dont l'extrémité resterait sur le rivage, il n'y avait absolument rien à tenter. Tout à coup, je vis le peuple s'agiter sur la grève. Il s'entr'ouvrait pour laisser passer quelqu'un. C'était Ham qui arrivait en courant de toutes ses forces. J'allais à lui. Je crois en vérité que c'était pour le conjurer d'aller au secours de ses infortunés. Mais quelque ému que je fusse d'un spectacle si nouveau et si terrible, l'expression de son visage et son regard dirigé vers la mer, ce regard que je ne lui avais vu qu'une fois, le jour de la fuite d'Émilie, réveillèrent en moi le sentiment de son danger. Je jetai mes bras autour de lui. Je criai à ceux qui m'entouraient de ne pas l'écouter, que ce serait un meurtre, qu'il fallait l'empêcher de quitter le rivage. Un nouveau cri retentit autour de nous. Nous vîmes la voile cruelle enveloppée à coups répétés, celui des deux qu'elle put atteindre, et s'élançait triomphant vers l'homme au courage indomptable qui restait seul au mât. En présence d'un tel spectacle, et devant la résolution calme et désespérée du brave marin, accoutumé à exercer tant d'empire sur la plupart des gens qui se pressaient autour de lui, je compris que je ne pouvais rien contre sa volonté. Autant aurait valu implorer les vents et les vagues. « Maître David !» me dit-il en me serrant affectueusement les mains. Si mon heure est venue, qu'elle vienne. Si elle n'est pas venue, vous me reverrez. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous, camarades. apprêtez tout, je pars. » On me repoussa doucement, on me pria de m'écarter, puisqu'il voulait y aller, à tort ou à raison. Je ne ferais, par ma présence, que compromettre les mesures de sûreté qu'il y avait à prendre en troublant ceux qui en étaient chargés. Dans la confusion de mes sentiments et de mes idées, je ne sais ce que je répondis ou ce qu'on me répondit, mais je vis qu'on courait sur la grève. On détacha les cordes d'un cabestan, plusieurs groupes s'interposèrent entre lui et moi. Bientôt seulement, je le revis debout, seul, en costume de matelot, une corde à la main, enroulée autour du poignet, une autre à la ceinture, pendant que les plus vigoureux se saisissaient de celle qu'ils venaient de leur jeter à ses pieds. Le navire allait se briser. Il n'y avait pas besoin d'être du métier pour s'en apercevoir. Je vis qu'il allait se fendre par le milieu et que la vie de cet homme, abandonné au haut du mât, ne tenait plus qu'à un fil. Pourtant, il y restait fermement attaché. Il avait un béret de forme singulière, d'un rouge plus éclatant que celui des marins, et tandis que les faibles planches qui le séparaient de la mort roulaient et craquaient sous ses pieds, tandis que la cloche sonnait d'avance son chant de mort, il nous saluait en agitant son bonnet. Je le vis en ce moment, et je crus que j'allais devenir fou en retrouvant dans ce geste le vieux souvenir d'un ami jadis bien cher. Âme regardait la mer, debout et immobile, avec le silence d'une foule sans haleine derrière lui et devant lui la tempête, attendant qu'une vague énorme se retirât pour l'emporter. Alors il fit un signe à ceux qui tenaient la corde attachée à sa ceinture, puis s'élança au milieu des flots, et en un moment, il commençait contre eux la lutte, s'élevant avec leurs colonnes, retombant au fond de leur vallée, perdus sous des monceaux d'écume, puis rejetés sur la grève. On se dépêcha de le retirer. Il était blessé. Je vis d'où j'étais du sang sur son visage, mais lui, il ne sembla pas s'en apercevoir. Il eut l'air de leur donner à la hâte quelques instructions pour qu'on le laissât plus libre, autant que je pus en juger par un mouvement de son bras, puis il s'élança de nouveau. Il s'avança vers le navire naufragé, luttant contre les flots, s'élevant avec leurs collines, retombant au fond de leur vallée, perdu sous les monceaux d'écume, repoussé vers le rivage, puis ramené vers le vaisseau hardiment et vaillamment. La distance n'était rien, mais la force du vent et de la mer rendait la lutte mortelle. Enfin, il approchait du navire. Il en était si près qu'encore un effort, et il allait s'y accrocher, lorsque voyant une montagne immense, verte, impitoyable, rouler de derrière, le vaisseau vers le rivage, il s'y précipita d'un bond puissant. Le vaisseau avait disparu. Je vis sur la mer quelques fragments épars. En courant à l'endroit où on l'attirait sur le rivage, je n'aperçus plus que de faibles débris, comme si c'était seulement les fragments de quelques misérables futailles. La consternation était peinte sur tous les visages. On tira âme à mes pieds, insensible, mort. On le porta dans la maison la plus voisine, et maintenant, personne ne m'empêcha plus de rester près de lui, occupé avec tous les autres à tenter tout au monde pour le ramener à la vie. Mais la grande vague l'avait frappé à mort. Son noble cœur avait pour toujours cessé de battre. J'étais assis près du lit, longtemps après que tout espoir avait cessé. Un pêcheur qui m'avait connu jadis lorsqu'Émilie et moi nous étions des enfants et qui m'avait revu depuis, vint m'appeler à voix basse. « Monsieur, me dit-il avec des grosses larmes qui coulaient sur ses joues bronzées, sur ses lèvres tremblantes, pâles comme la mort. « Monsieur, pouvez-vous sortir un moment ?» Dans son regard, je retrouvais le souvenir qui m'avait frappé tout à l'heure, frappé de terreur. Je m'appuyais sur le bras qu'il m'offrait pour me soutenir. « Est-ce qu'il y a, lui dis-je, un autre corps sur le rivage ? Oui, me répondit-il. Est-ce quelqu'un que je connais ? Il ne répondit rien, mais il me conduisit sur la grève. Et là où jadis, enfants tous deux, elle et moi, nous cherchions des coquilles, là où quelques débris du vieux bateau détruit par l'ouragan de la nuit précédente étaient épars au milieu des galets, parmi les ruines de la demeure qu'il avait désolée, je le vis couché, la tête appuyée sur son bras, comme tant de fois, jadis, je l'avais vu s'endormir dans le dortoir de Salem House. »